La passion c'est une arme, mais y'a plus rien dans mon chargeur. C'est les mémoires du tout bas, en longueur et en largeur. Une feuille sans dame, m'en sortir c'est le seul but. On s'est perdu dans le large, mais je suis petit à petit dans l'écume. Je mène un combat contre moi-même depuis que la vie m'est détard. Je fuis la vérité, mais mon quotidien s'étale. Chercheur d'indépendance, moi je veux me barrer comme Scofield. Arrêtez de réfléchir, fumant mes chemères jusqu'au field. Je traîne avec un trait, ce bâtard s'appelle Doud. Qui me laisse parfois amnésique, y'a de quoi appeler le 12. Sceptique sur mon avenir, mais je blesse cette pute de voyante. J'ai la rage dans les boyaux, aboyons au nom de l'avance. On se réunit sur pique quand le moral fait des ciels. Et on soude entre nous face au mental espiègle. Je me suis dégradé dans les rangs, me renforcer dans le mental. Moi je veux quitter ce monde errant si la place reste au menteur. Moi j'ai pas de modèle, j'avance seul ou en équipe. Sachant que dans mon linceul, je serai en solo sans mes types. Dans ma vie et sur mes titres, moi je pousse mes tripes. Je tripe plus, là je suis en batte. C'est dur d'avoir la banane quand mon cœur prend des patates. Les événements me dépassent, me déprime, me désespère. C'est dur d'avoir les idées claires. Je suis dans mon ciel, dans ma grisaille, là où y'a pas de trêve. Je dis bye bye aux rêves. En restant brave, même si ça me gave. Les poucaves, les gens qui bavent, ceux qui parlent méritent des baves. J'ai traîné dans les bas-fonds, là où des règles sont bafouées. Là où on raquait des bouffons, on a envie de bouffer. Là où on fait tout pour y arriver, éduqué au baston. Coup de pression, humiliation, tu sens en toute humilité. Mais c'est pas juste pour parler. Du haut de mes 20 piges, des pages j'en ai tourné. Des dérapages, j'ai contrôlé, y'a trop de trucs que je veux gommer. Bon sang, écoutez un peu ce que vous dites. Vous osez comparer ces élèves à Anne Frank. On se cache pas, ils se baladent dans leur voiture en pleine lumière avec des armes automatiques. C'est bien moi qui vis dans la peur de ne pas pouvoir sortir la Rassemblés nuit. Rassemblés par les remords, on connaît leur bien à faire. Peut-être trop traîner dehors, à lassitude dans mes yeux verts. C'est fou, je peux pas garder tout ça pour moi. Si toi t'as réponse à tout, s'il te plaît dis-moi pourquoi. Rassemblés par les remords, on connaît leur bien à faire. Peut-être trop traîner dehors, à lassitude dans mes yeux verts. C'est fou, je peux pas garder tout ça pour moi. Si toi t'as réponse à tout, s'il te plaît dis-moi pourquoi. Je suis l'encre de ne plus qu'elle me rejoigne quand je touche le fond. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'écrire si détente. Tous le font, on n'est pas là pour dire de la merde. Sinon je poserai dans les chiottes. En vrai je pars pour les gens que j'aime, pas pour les cons ni pour les seuls. En quelque sorte je rappe, en quelque sorte je pars. Je vous fais part qu'en écrivant c'est à ma façon que je pars. Épargnez vos conneries, vos trucs inutiles comme vos boîtes de nuit. Moi je vois le monde de la nuit différemment. Depuis que je fais les 3-8, y'a bien trop de fuites pour que je redonne ma confiance. Y'a personne qui évolue, c'est à la bêtise que c'est confiance. Ils me font marrer, c'est MC Blanc qui aime pas leur épidère. Moi je suis fier d'être blanc chrétien, je le répète et puis merde. Donc cultive la différence pour faire fleurir des cimetières. Il pourrait y avoir de l'amour si seulement tout le monde s'y mettait. Si merde les gars, d'avoir posé tant de ces à mes côtés, c'est deux motifs de plus pour lequel je ferai toujours pop pop. Prends ça comme un art, l'art de l'encre noire, sans motif de nard, sans rechercher l'or, leur bling dit non merci. J'aime pas tous ces artifices qu'on blinde les faiblesses d'un récit. Avec des paires de fesses, moi je suis loin de tout ça. Je préfère gratter ma feuille, je m'éloigne de tous ceux qui pensent qu'à montrer leur gueule pendant leur crise d'orgueil. Moi je suis en pleine inspi et comme je ferme plus l'œil, c'est à ça que se résume mes nuits. Mon cahier mon thérapeute, c'est à lui que je me confie. Lui seul peut rester face aux sentiments confus d'un jeune qui réfléchit à ce vécu bizarre, à tous ceux qui fléchissent sous le poids de leur misère. Et plus j'écris, plus le constat est amer. Tu sais tout ce que je décris n'est qu'une parcelle de la merde. J'appréhende notre lendemain quand je vois notre présent. J'y vais bien lentement pour pas y perdre ma raison. Rassemblés par les remords, on connaît leur rien à faire. Peut-être trop traîner dehors à lassitude dans mes yeux verts. C'est fou, je peux pas garder tout ça pour moi. Si toi t'as réponse à tout, s'il te plaît dis-moi pourquoi. Rassemblés par les remords, on connaît leur rien à faire. Peut-être trop traîner dehors à lassitude dans mes yeux verts. C'est fou, je peux pas garder tout ça pour moi. Si toi t'as réponse à tout, s'il te plaît dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi.